S'il y a tant de personnes qui veulent vivre en couple, c'est qu'il y a une raison. La principale, la fondamentale, c'est que la vie, c'est une survie. Survie dans le sens de survivor, de survivant, de capacité de passer à travers. Et c'est connu, à deux, c'est mieux. Seul, c'est plus difficile. Les comptes arrivent seuls, les problèmes arrivent seuls. On peut pas parler avec personne pour régler quoi que ce soit. Remarquez qu'en couple, s'il n'y a pas de dialogue, c'est pas bien mieux. Mais une chose est certaine, en supposant que le couple est bien amorcé et qu'il y a cette capacité d'échange, on est capable, à deux, de traverser des épreuves que souvent, seul, c'est impossible. Qu'il y a définitivement un besoin de partager des ressources, partager des compétences, partager une perception souvent différente de la vie, parce que ce qui fait qu'on passe à travers, c'est les décisions, ce qu'on contient dans une décision. Je vous dirais que l'essentiel d'une relation à deux, c'est de trouver le moyen ensemble de contenir une décision. C'est le moyen d'aider un lorsqu'il est dans un combat important de sa vie personnelle. Ça peut être affectif, ça peut être lié à son passé, ça peut être lié à une crainte ou une insécurité qu'il a, qui a été là ou a apparu dans sa vie dans son enfance, et l'autre est là pour écouter, pour témoigner, pour percevoir ce qui se passe et lui donner un feedback, lui donner une perception de la situation. Je vous mets ça idéal, ça va de soi. Je vous dis pas que c'est comme ça que ça se passe, mais on parle de ce qui doit être partagé. Et ce que les gens cherchent à partager, ben c'est de l'enveloppe pour justement faire face à la survie. Partager dans une relation à deux, c'est prendre quelque chose que l'autre n'a pas et de le mettre sur la table. Et l'autre, lui aussi, il a quelque chose que l'autre n'a pas, il le met sur la table et on partage. Et ce que l'on a de commun, donc les deux ont, ben, c'est sur la table également. Et là, toute personne va aller chercher ce qu'il a besoin. Mais évidemment, dans tout partage, il y a toujours le phénomène de qui prend le premier, qui prend le plus, qui prend pour quelle raison, et qui prend pour décider pour l'autre. Et c'est des situations qui deviennent embarrassantes quand il y a un bon départ et que ça se garde avec le temps. On se rend compte que si le partage est équitable au début et qu'il l'est moins en vieillissant, c'est-à-dire quand la relation commence à vouloir se désagréger parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus vaniteux. Et étant plus vaniteux, ben, il pense qu'il y a plus de droits que l'autre. Et là, ça commence à créer des problèmes. C'est donc dire ici que ce qu'il faut surveiller dans le phénomène du partage, c'est que tout le monde est en survie. Il n'y en a pas un qui est plus en survie que l'autre. Et quand tout le monde est en survie, il faut comprendre qu'on peut être en survie pour des raisons différentes. La psychologie de l'homme et la psychologie de la femme ne sont pas pareilles. Un homme est en survie pour son travail et la femme est en survie pour son affectivité, sa zone affective. C'est donc dire que si l'homme vise à demander un support à la femme, il va le demander que la femme le supporte intégralement pour des constructions, des développements concrets, pour du rendement dans ses performances de travail. Un support qui demande un peu une forme de demi-esclavage, si on peut dire, de la part de la femme pour sa personne, parce qu'il a besoin de se sentir en autorité pour affronter la compétition, les rapports de force, les tensions. La femme qui dit non, moi j'ai pas le goût de jouer à l'esclave, à la servante, ou d'être dans un contexte quelconque de servitude, le gars est un petit peu déboussolé parce qu'il a définitivement, pour se donner un élan, il a définitivement besoin de cette enveloppe que la femme peut lui apporter. Et si elle ne lui apporte pas, ben, il est handicapé et se sent définitivement lésé au niveau du partage. Mais là, si la femme refuse cette enveloppe, de lui donner cette enveloppe, de lui donner cette espèce d'ambiance qui lui permet de supporter la pression de son travail, c'est que elle généralement, elle n'est pas balancée, elle n'est pas équilibrée. Parce que la femme, elle, ce qu'elle va demander pour passer à travers sa survie affective, c'est de l'attention. Beaucoup de présence. Le gars n'est pas présent, il pense juste à ses affaires, à ses amis. Il pense seulement qu'à l'argent. Il pense seulement qu'à ses constructions. C'est comme pour elle, un homme qui se désinvestit dans la relation, dans lequel l'homme est comme marié avec son travail et n'est pas marié avec elle. On ne fait pas un couple pour vivre au crochet de quelqu'un. On fait un couple pour partager avec quelqu'un. Donc, ce qui devient aigu pour la femme, souvent, c'est que elle peut peut-être comprendre que le karma de l'homme, c'est le travail, mais il faudrait que l'homme aussi comprenne que le karma de la femme, c'est toute sa zone d'affectivité, c'est toute sa zone d'émotivité qu'elle a à garder en équilibre de façon continue. Et l'homme, lui, pense que la femme pense comme lui. Et la femme, elle, pense que l'homme pense comme elle. On est dans un cul-de-sac extraordinaire parce qu'il faut comprendre que les deux ne placent pas leur zone d'intérêt au même endroit, à la même place. C'est là que les situations de partage demandent à être très définies. Quand une femme dit « Mon chéri, je vais aller en vacances », puis que le gars dit « Je peux pas parce que j'ai des comptes à payer pour ci, pour ça », il vient de perdre un point. Et la femme, elle, va dire « Bon, ok, d'abord, je vais y aller tout seul ». Et le gars, quand la femme est partie, là, il se rend compte qu'il aurait dû laisser les comptes de côté puis s'occuper des gens qui comptent et de s'occuper, finalement, de la vacance. S'il est assez intelligent puis qu'il n'a pas trop d'égo, s'il n'est pas trop vaniteux, il va essayer de rappeler sa femme si elle a un téléphone cellulaire, puis s'il n'en a pas, ben, il va y en racheter un quand elle va revenir, parce qu'il va se rendre compte que la communication et cette fameuse présence que la femme demande, si l'homme ne lui donne pas aujourd'hui dans notre société, elle va trouver le moyen, de façon autonome, de se le donner. Il y en a même qui vont être capables de se le donner avec un autre. C'est un petit peu ça qui risque d'arriver quand on ne s'occupe pas de la survie de quelqu'un. Donc, l'évolution d'une relation, c'est une évolution qui demande une compréhension de l'autre, pas simplement une compréhension de soi-même. Comprendre ses besoins, ça n'oblige pas l'autre à y répondre. Comprendre qu'on a des besoins, les faire savoir à l'autre et s'informer également de ses besoins pour être capable de définir qu'est-ce que l'autre peut mettre en échange avec nous, ça c'est intelligent. C'est sûr que quand on veut être avec quelqu'un, il faut être conscient de sa logique de vie, de sa façon d'opérer, de sa façon de vivre sa spontanéité, de vivre ses élans. On doit tout au long de cette relation-là libérer l'autre. C'est donc d'être conscient de ce qu'il absorbe, de ce qu'il contient, de ce qu'il contient pas. Et quand on dit comprendre parfaitement ce que l'autre vit, c'est pas comprendre à sa façon, c'est comprendre de la façon que l'autre vit. Que vous vous disiez, ah ben là, il y a ça, mais moi je pense qu'il y a besoin de ça. Ça, c'est une des pires erreurs que les gens font dans le partage. Parce que là, ils essaient d'imposer ce que eux veulent donner. Et ça, c'est pas bon. Un gars qui donne une ligne à pêche à sa femme pour sa fête, il ne s'est pas occupé vraiment de ce que la femme veut, à moins qu'elle soit vraiment amateur de pêche. En général, c'est pas ça que la femme va avoir. C'est un parfum ou c'est un snack au restaurant. C'est quelque chose de plus romantique, disons, et que la ligne à pêche ne donnera pas comme effet. La femme, elle, qui va vouloir donner à son mari beaucoup d'affection et beaucoup d'enveloppe, peut se faire dire qu'elle est trop collante à un certain moment donné, parce que le gars, s'il manque d'argent, il n'y a pas une affection sur la planète qui va lui faire perdre l'impression de manquer de quelque chose. Et c'est pas l'amour qui remplace les comptes à payer et la capacité de les payer. Donc, c'est inutile de commencer à jouer à des mamours pour noyer le poisson. Donc, la femme qui joue de ce jeu d'enveloppe, elle le fait pour elle. C'est comme le gars qui donne la ligne de pêche à sa femme pour sa fête. C'est le même principe. Le gars, il n'a pas besoin de tomber dans le jeu d'une fausse sexualité, dans le fond, une façon de faire pitié. C'est pas ce qu'il recherche. Lui, ce qu'il recherche, c'est réellement se dégager de sa problématique matérielle, de sa problématique sociale, de sa problématique de croissance. Donc, bien connaître l'autre, pour la femme surtout, c'est de bien connaître le caractère, disons, très concret de l'homme. Bien connaître la femme, pour l'homme, ben, c'est connaître que la femme a une sensibilité et un besoin d'ambiance, une recherche d'attention et de présence qui dépasse tous les cadeaux au niveau de la forme et qui, finalement, fait que la femme n'est pas achetable ultimement. Elle peut être achetable si, dans le monde de l'homme, elle peut sentir que elle n'aura jamais l'amour, elle aura toujours juste le désir et va jouer le jeu du désir pour toujours stimuler la conquête chez l'homme. mais ça sera toujours seulement qu'une game. Et ça, l'homme, à ce moment-là, va être pris dans son propre piège. C'est qu'en n'étant pas capable de voir la femme dans son ambiance, dans sa sensibilité, dans sa subtilité, il va toujours la voir comme un bien de consommation, comme une matière à impression. Et cette sensation qu'il a, lui, le pouvoir et le contrôle sur elle. Et c'est une erreur énorme. Le partage, dans un premier temps, c'est prendre le temps de comprendre l'autre parfaitement. C'est vraiment être à l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de ce qu'il est, de ce qu'il sait. Et c'est vraiment savoir si on peut répondre. Si on peut pas, ben d'être capable de trouver le moyen de le dire et de dire, bon ben moi je suis pas capable de répondre à ça. Sans fausse vanité, pas essayer de performer là où on n'est pas capable. L'autre va être doublement frustré de voir qu'il y a un échec à répétition dans une situation qui est essentielle et dans laquelle il faut absolument qu'il trouve des ressources ailleurs si vous, vous les avez pas. Le partage, c'est de laisser faire d'autres qui sont plus compétents que vous dans les domaines que vous n'êtes plus capable, que vous n'êtes pas capable de partager. Parce qu'il y aura d'autres secteurs dans lesquels vous le serez et c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Dans le développement d'une relation, je vous disais dans l'autre fichier précédent que c'était important pour les gens de se connaître. Vous savez, on vit au monde avec des ressources, des talents et des défauts. Quand on se rend compte, on a tendance à laisser de côté un petit peu les défauts et à regarder les avantages. C'est ça qui donne la magie de l'amour. Dans cette magie-là, on regarde strictement ce qu'on va aller chercher. Mais on connaît pas encore le prix qu'on va payer pour aller chercher cette ressource. Et c'est ça qui est navrant parce que il faut savoir que quand on rentre dans une relation, il va y avoir des efforts à faire pour un petit peu s'oublier soi-même. Chose que les gens passés 50 ans ont de la difficulté à faire, c'est-à-dire s'oublier soi-même, parce que ils ont beaucoup fait d'efforts qui n'ont pas nécessairement mené au résultat qu'ils voulaient. Quand on est jeune, on a beaucoup de vitalité, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'innocence. Et on a cette tendance à penser qu'on peut changer l'autre. Chose d'ailleurs qui est une illusion totale. Une personne, ce qu'elle est, elle le sera à 100 ans. Et dans le temps qu'on pense qu'on peut changer l'autre, ben, on pense qu'on a une influence sur sa personne. Et on a des attentes conséquemment. Il y a quelque chose dans le contrat qu'on a avec l'autre qui est un peu biaisé. On rentre dans la relation en prenant évidemment les avantages. On reconnaît certains défauts, peut-être même avant de rentrer dans la relation. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance dans l'échange que l'autre ne répond pas parfaitement. On savait et on s'en doutait qu'il ne pouvait pas répondre parfaitement à nos besoins ou à nos attentes. Mais on pensait qu'on pouvait faire des changements à ça. Dans quelle mesure une personne peut changer? Moi, vous le dis tout de suite, ça dépend pas de vous, ça dépend de sa peur de perdre. S'il a peur de vous perdre, c'est pas de vous qui a peur de perdre, c'est des avantages qu'il a avec vous qui a peur de perdre. Parce que s'il trouve les avantages dans une autre personne, il aura plus peur de vous perdre. Et si vous faites un chantage, il va vous laisser aller et il va aller chercher sa ressource ou son besoin ailleurs. Donc, pensez pas que c'est votre personne qui a peur de perdre. Ce qui a peur de perdre, c'est des avantages qu'il a dans l'échange avec votre personne. C'est donc certain que la relation, pendant un certain temps, vit un certain rêve parce que elle vit dans un futur, dans un projet, dans un effort d'améliorer les conditions de survie de part et d'autre. Pour l'homme, c'est au niveau de sa carrière surtout. La femme, c'est aujourd'hui dans notre société, c'est un peu ça aussi. peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que la femme, dans sa structure carrière, il y a un besoin de réalisation personnelle, mais il y a un besoin aussi d'une autonomie pour ne justement pas être pris en charge à cause du fait que la société fait voir que les couples ne sont plus aussi durables ou fiables que pouvaient l'être dans le passé. Les valeurs morales ayant beaucoup changé et surtout que la femme veut avoir une participation plus active dans la société parce que son rapport avec la famille, dans le sens de son intimité, faire des enfants. Avant, il y avait 7, 8, 10 enfants. Aujourd'hui, quand on a un ou deux, ça semble être suffisant. Mais l'énergie est encore là et on veut se dépenser dans un environnement social. On veut avoir une vie qui nous soit plus, disons, personnelle, qui n'est pas strictement liée au couple. Et ça, c'est bien. Ça a aussi le fait que l'homme, en voyant sa femme être plus autonome, en voyant sa femme plus structurée socialement, a l'impression qu'il a moins besoin d'être responsable et donc de moins la prendre en charge. Attention, il y a un piège, messieurs. Un homme, pour bien se réaliser, a besoin de prendre en charge une femme. Et une femme, pour bien se réaliser, a besoin d'aimer passionnément un homme. Tant et aussi longtemps que les deux n'ont pas été, pour la femme, au bout de l'amour et l'homme au bout de son sens des responsabilités, c'est des adolescents et adolescentes. Mon point de vue là-dessus, c'est que si on parle de partage, il faut bien connaître l'autre et savoir ses limites. Et savoir que ses limites, il va les dépasser le moment où il va s'assumer personnellement. Pour la femme, elle est dans la vie de l'homme pour lui donner ce prétexte, cette motivation, ce stimulant qu'il lui faut pour vivre de la conquête. Dans un temps, c'est la conquérir elle, et une fois que son nid est fait pour monsieur, c'est de conquérir une carrière, une évolution sociale, une évolution professionnelle. La femme qui cherche à amener l'homme sur le terrain de la conquête de sa propre personne, toujours, c'est une enfant d'école, c'est une petite fille. C'est une femme qui comprend pas le couple et qui cherche strictement à avoir de l'attention sur sa personne. Parce que l'homme a besoin absolument de se positionner socialement. C'est plus vital pour lui que ça l'est pour la femme parce que c'est son karma. C'est pas une affaire de compétences universitaires ou de compétences professionnelles. Il y a des femmes qui sont aussi compétentes que les hommes, excepté que pour la femme, je ne dis pas que la femme a pas besoin de se réaliser professionnellement, mais le karma de la femme, c'est dans sa charge émotionnelle, c'est dans son affectivité. Il faut qu'elle aille au bout de toutes ses illusions au niveau de l'amour pour se sevrer, se dégager de cette attente qu'elle a d'être constamment conquise par son environnement, d'être constamment désirée, si vous ne comprenez pas le mot conquête. C'est sûr que ce besoin d'attention chez la femme peut devenir extrêmement irritant pour l'homme qui, lui, dans un temps, a fait sa conquête et a besoin, à un certain moment donné, de centraliser ses énergies vers sa structure professionnelle. Si la femme est vraiment autonome, elle va se donner une structure professionnelle ou une structure de vie sociale qui va lui permettre, on dirait, entre guillemets, d'attendre son homme. En fait, c'est de pouvoir disposer de son équilibre psychique à elle sans toujours vivre une dépendance vis-à-vis de l'homme qu'elle considérera toute sa vie comme étant beaucoup plus égoïste qu'elle. De par l'essence même de sa construction et de sa psyché, l'homme est fondamentalement égoïste. Il a besoin de vivre pour lui essentiellement et de rattacher les gens qui sont des ressources pour lui à ses constructions et à ses projets. Je sais que ça ne plaît pas à certains hommes et ça ne plaît pas à quelques femmes. C'est discutable, vous aurez probablement le loisir de discuter souvent, mais c'est la vie. L'évolution d'un besoin pour une femme, c'est une évolution qui touche un besoin du couple et un besoin de s'individualiser. L'évolution pour un homme, c'est évoluer le plus possible vers l'environnement social pour se construire et avoir le repos du guerrier, c'est-à-dire avoir une relation avec une femme qui lui permette de se conforter. Rares seront les hommes qui vont donner plus d'importance à leur intimité qu'à leur vie professionnelle. Il y en a quelques-uns, ce n'est pas la majorité, mais il y en a. Mais ces gens-là ont des avantages, souvent karmiques, qui leur permettent de s'investir plus dans leur intimité que dans leur vie professionnelle. En général, la vie est plus dure à vivre au niveau carrière pour l'homme parce que c'est son défi. La femme, ce qui est très dur, c'est son intimité, sa vie privée et d'avoir le respect de l'homme sur sa personne. Un homme veut faire un gros cadeau à une femme, il s'en occupe. Point final. Il n'a pas besoin de penser à y acheter des bagues à diamants. De toute façon, pour la femme, une bague à diamants, c'est l'effort que le gars a mis dedans. S'il vaut 10 milliards et qu'il lui donne une bague à diamants d'un million, elle va trouver ça cheap. C'est l'effort qu'il met dans son cadeau qu'elle mesure, c'est pas le cadeau en soi. Donc, pour une femme, c'est la présence de l'homme, c'est l'attention de ses énergies vers sa personne qui est important. C'est là qu'elle voit si elle sent l'homme près d'elle, si elle le vibre, si elle a le goût de s'engager à le supporter dans ses structures. Un homme qui mise bien ses cartes, en d'autres termes, qui réussit à être fidèle à sa femme, qui réussit à lui donner cette présence qu'elle a besoin. C'est une femme qui va accepter de vivre en vase clos, dans un milieu social relativement fermé, dans une famille, de s'occuper des enfants et d'avoir un rôle qui lui a été statué dans le passé. Si la femme est sortie à l'extérieur du couple et du foyer, c'est que l'homme n'était plus capable de contenir son intimité comme dans le passé. Il se responsabilisait moins, en d'autres termes, et avait plus le besoin de partager socialement que dans l'intimité. Et là, la femme est obligée d'aller le chercher au travail. Avant, c'était à la taverne. Là, elle va le chercher à l'université. Elle va le chercher dans ses structures sociales. Là où il y a une femme sur le travail, c'est qu'il y a un besoin d'avoir un couple occulté, un couple qui n'est pas officiel dans le sens d'un mariage légal, mais c'est un couple en termes de vibration et d'énergie entre un patron et sa secrétaire ou entre des gens qui travaillent ensemble, des collaborateurs, collaboratrices. Regardez l'armée. On a des femmes qui rentrent dans l'armée pour faire des couples qui s'occultent un par rapport à l'autre. Mais c'est la façon dont la femme est capable d'aller récupérer l'homme pour l'aider, lui, à se raffiner subtilement. Sinon, l'homme resterait dans ses recherches de conquête, de la forme, de la matière à l'infini, ne serait plus capable de retourner à la maison. Je sais que pour l'homme, partager strictement de l'ambiance et de la présence, ça semble être trop abstrait pour lui. Mais si c'est ça le besoin, pourquoi vouloir chercher plus? Pourquoi vouloir bâtir 4 maisons quand une c'est suffisant? Pourquoi vouloir avoir 40 amis quand une vie de couple peut facilement balancer 50% de cette ambiance dite publique? C'est ça les questions que les femmes se posent à un certain moment donné. Pourquoi, si on est bien, qu'il veut toujours aller dehors, qu'il veut toujours aller ailleurs? C'est dans la nature de l'homme. La femme, lorsqu'elle est respectée, lorsqu'elle est comblée, c'est une personne qui ne cherche pas à s'évader. Quand elle cherche à s'évader, c'est parce qu'il y a un malaise dans l'intimité. Qu'est-ce que l'homme peut comprendre de ça? Malheureusement, ce que j'ai pu remarquer dans mon expérience de consultant, c'est que l'homme comprend la présence de la femme quand il la perd assez longtemps. Et il faut qu'il la perde réellement assez longtemps. Et j'applique sur le assez longtemps parce que une semaine, deux semaines, un mois, un an même, des fois, c'est trop court. Un homme qui a réellement perdu quelqu'un d'essentiel, qui l'a supporté intensément, c'est un homme qui commence à se poser des questions et c'est là qu'il y a un changement qui se fait. Là, vous allez me dire, mesdames, est-ce qu'il y a un moyen de changer notre homme sans être obligé de lui faire vivre une perte ou un retrait? Si vous trouvez la recette, c'est parce que vous avez un gars très intelligent et qui n'a pas besoin de passer par une souffrance trop intense pour comprendre ce qu'il y a à faire. Ils sont rares, ces gars-là. En général, un gars, ça a besoin de prendre un bon coup pour comprendre fortement et longtemps. Parce que si c'est pas trop fort, il va faire 1000 excuses, il est tombé dans le panneau, il va changer pour une semaine, puis il va revenir à ses vieilles chaussettes dans pas trop longtemps. Là, vous allez dire, oui, mais il faut partager quelque chose ensemble. Mais écoutez, si vous voulez partager l'enfer, c'est vivable, ça se fait, il y a des gens qui réussissent, ça chauffe tout le temps, c'est passionné, c'est du en bac des bacs tout le temps. Mais c'est pas un mode de vie qui respecte votre esprit. C'est pas là que vous allez trouver la paix dans votre vie. Si vous voulez, mesdames, que l'homme change, il faut qu'il comprenne qu'il peut perdre la dynamique de votre échange. Pas votre personne, là. Mettez pas le focus sur votre personne. Tout le monde est remplaçable. Pensez jamais que vous êtes pas remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Le jeu, c'est de lui faire prendre conscience que la dynamique qu'il a avec vous, elle est unique et qu'elle améliore sa vie. Il faut toujours penser en termes d'intérêt, son intérêt à améliorer sa vie. Je vous l'ai dit, c'est un égoïste, égocentrique. Et ça, quand on comprend ça, il faut aussi comprendre qu'un homme aime bien qu'une femme le voit comme sa business. En d'autres termes, une femme dit, bon ben, moi j'ai une entreprise, c'est mon mari. Et elle s'en occupe. L'évolution, ça ne dit pas de vouloir que la business emmène une vague de sentiments. C'est de toujours comprendre que sa psychologie est toujours vers le concret. Et que vous, votre psychologie tourne toujours vers quelque chose de plus éthéré, de plus abstrait, de plus léger. Et que vous devez attirer l'homme dans cette légèreté. Vous devez l'emmener en vacances. Vous devez le faire décrocher de sa guerre et de son combat. Que vous devez défaire son agressivité. Il ne le fera pas tout seul. Laissé à lui-même, il va s'empirer même. Pensez pas qu'en le laissant, il va s'améliorer. Non, non. Il va continuer à vivre son combat. C'est juste qu'il va souffrir intérieurement. Et plutôt que vivre un combat stratégique, il va commencer à vivre un combat vibratoire. C'est là que la mutation va se faire. Vous voulez améliorer la vie de votre homme? Dans le sens de jouer le rôle de support. Beaucoup d'écoute. Un homme aime beaucoup qu'on l'écoute. Même si vous comprenez absolument rien à ce qu'il dit, il faut beaucoup l'écouter. Minimum d'obstination. Minimum de confrontation. La confrontation, ça déclenche la guerre chez lui. Et ça déclenche des guerres de raison, des guerres de contrôle. Il va toujours vouloir vous convaincre, vous emmener à sa ligne de pensée, à sa façon de comprendre les choses. Donc, vous n'avez pas avantage à tomber dans des arguments. Par contre, vous pouvez lui présenter des hommes que lui, il respecte, ou des personnes, ça peut être des femmes également, qu'il respecte, qui vont, eux ou elles, le confronter. C'est pas vous. Vous êtes toujours l'élément de support, mais vous lui présentez des gens qui vont lui faire comprendre ce que vous voulez lui faire comprendre. C'est une façon peut-être biaisée de l'emmener à percevoir différemment, mais c'est comme si l'homme comprend par l'extérieur, il comprend rarement par l'intérieur. Et si vous essayez de confronter son mental, donc de l'obstiner, il vous place automatiquement à l'extérieur. Vous devenez un élément adverse, donc un ennemi potentiel. Et donc, vous n'êtes plus perçu comme un élément intime dans lequel il peut se détendre. Il voit cette intimité-là comme une forme de rapport de force. Vous avez définitivement avantage à jouer le jeu de « oui, mon chéri, je comprends ce que tu veux dire, mais j'aurais quelqu'un à te présenter ». Et j'aimerais ça que tu m'expliques comment il pense parce que moi, je ne le comprends pas. Ça ne veut pas dire que vous ne le comprenez pas, mais ça veut dire que vous voulez que lui vous l'explique dans ses mots et transforme la perception de l'autre dans son développement à lui, dans sa vision des choses. Et ça, à partir de là, ben, ça crée une relation plus harmonieuse dans un sens. C'est laisser tomber son identité pour l'identité de l'autre. Oui, vous avez raison. Je suis totalement d'accord avec ce que vous allez penser. Mais on parle de trouver un moyen de prendre notre âme et de l'emmener à une autre ligne de pensée. Il faut comprendre comment il fonctionne. Pensez pas qu'il va comprendre parce que vous le dites. Si c'est adverse, vous devenez plus intime. Donc, il faut comprendre que pour rester intime, il faut absolument qu'il y ait un minimum d'adversité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le meilleur des changements que j'ai vu opérer, c'est une femme qui change sans parler, sans confronter, mais qui au bout d'un certain nombre d'années, je dis bien d'années, a tellement changé que le gars n'a pas le choix de changer parce qu'il voit des transformations dans sa femme qu'il ne peut pas nier et auxquelles il est obligé de s'ajuster parce qu'elle crée de plus en plus d'impressions en société et que là, il est très, très, très sensible à ce que lui n'est pas capable de faire que sa femme fait. Fait que ça devient une forme de compétition, mais pour l'homme, la compétition, c'est naturel. C'est ça la vie, c'est la compétition. Si sa femme fait des choses ou vit ou parle des choses que lui n'est pas capable, là, il va se mettre un petit peu plus à l'écoute pour trouver l'avantage, le pouvoir qu'il peut aller chercher là-dedans. Et dans l'évolution d'une psychologie, on parle toujours de la recherche de la paix. La paix, c'est après la guerre. Pour l'homme. Pour la femme, la paix, ça peut être dans l'instantané. Ça peut être demain, ça peut être dans 10 minutes. Ça peut être quand on est prêt à vivre la paix. Et qu'on n'a pas le même time frame. la femme est prête à l'harmonie beaucoup plus rapidement que l'homme est prêt à l'harmonie. Et j'ai vu beaucoup de femmes faire l'erreur de tomber dans de l'argumentation, des explications qui, à un certain moment donné, l'homme décrochait parce qu'il ne trouvait pas ça assez concret, trouvait ça trop abstrait. Quand vous avez à partager avec un autre, calculez réellement comment vous allez investir de temps et d'énergie pour en arriver à vous faire comprendre. Si c'est trop long, laissez la vie travailler. Il y a des choses, des fois, qui se font dans la vie qui ne reposent pas sur vos épaules. Ça demande des expériences de vie personnelle. Ça demande de rencontrer d'autres personnes. Vous ne pouvez pas être tout le monde. Et il y a des fois des personnes ou des événements qui font le travail d'une heure d'explication, mais ça se fait sur 2 ans. C'est sûr que si on le comprenait en une heure, ça irait mieux. Mais il faut 2 ans d'expérience et de souffrance pour le comprendre. Il y a des femmes qui s'obstinent à ça, fait que ça prend 2 ans de souffrance avec leur homme parce qu'ils ont des attentes qu'ils veulent absolument réaliser tout de suite. Mais si dans vos attentes, vous transformez ça en certitude, plutôt que d'attendre que le gars change, vous avez la certitude que le gars va changer parce que c'est inévitable. Le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça n'a plus d'importance. Et c'est ça qu'il faut regarder. Puis pour l'homme, ben, sa femme, c'est pas compliqué. C'est de la voir simple. Pas chercher à rendre ça compliqué. Déjà sur le travail ou dans les performances que la société vous demande, c'est compliqué. Quand vous revenez chez vous, gardez donc ça simple. Puis surtout, soyez donc patient. La patience, c'est quelque chose qui permet à la femme de s'exprimer clairement. Un homme impatient, j'ai remarqué que la femme devient confuse et a de la difficulté à s'exprimer. Donc, un bon truc, si vous voulez vraiment aimer votre femme, comme vous dites que vous l'aimez, soyez donc patient. Et supportez-la dans ses projets. Si elle vous dit qu'elle a besoin des fleurs pour sa galerie, dites pas que c'est niaiseux. Allez les chercher. On est dans une société aujourd'hui où le résultat, la performance est toujours le mot d'ordre. On veut être aimé rapidement, on veut avoir un salaire rapidement, on veut gravir les échelons de la société rapidement. On veut tout que tout se fasse au moment où on le pense. Ça s'en vient. Dans 200-300 ans, ça va être comme ça. En attendant, on vit dans les années 2000 et on vit dans une dynamique où il faut encore attendre un petit peu. C'est moins long que dans les années 1700, mais c'est quand même un petit peu plus long pour des gens parce que les gens veulent que les choses se passent vite. Vous voulez partager un bien précieux entre vous et votre partenaire? Pratiquez la patience. Vous allez au Nautilus, vous allez à des centres de conditionnement, vous allez faire des voyages pour faire du sport extrême. Et vous savez à quel point ça demande de la préparation. Vous savez à quel point il faut, pour prendre une diète, être patient. Avoir des résultats rapidement, c'est une affaire, mais maintenir les résultats sur une base de 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est long. On est dans une société qui a oublié que ça prenait du temps faire les choses comme il faut. Un professionnel, ça se bâtit pas en 5 ans d'université. Ça se bâtit avec l'expérience de la vie et la connaissance, pas simplement la connaissance. Ben, les gens, aujourd'hui, dans leur relation intime, demandent à l'autre des performances qui sont totalement illusoires, qui sont impossibles à réaliser. On veut que notre partenaire nous comprenne. Sur quelle base on peut imaginer qu'il est capable de comprendre? Le gars, il est spécialisé en mécanique, il est spécialisé en électronique, il est spécialisé dans des domaines qui sont finalement mécaniques. Et on lui demande de comprendre une psychologie humaine qui n'est pas encore parachevée ou qui n'a pas été encore assez développée pour permettre d'éliminer les guerres. N'oubliez pas, il y a encore de la guerre à notre deuxième millénaire. On est encore dans un temps où les gens vivent des luttes et des combats et la diplomatie avec les plus grands cerveaux du monde ne réussissent pas à neutraliser les conflits idéologiques entre des milieux religieux ou des milieux qui ont une certaine culture. Vous voulez avoir une intimité qui est balancée, il faut de la patience, beaucoup de patience. Votre femme vous dit qu'elle vous aime, mais vous vous dites qu'elle ne vous aime pas comme vous voulez. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez avoir quelqu'un là, qui est à vos pieds, qui vous sert comme un esclave? Ça n'arrivera jamais. Si vous voulez quelqu'un qui se développe à côté de vous, qui développe son autonomie, qui réalise sa vie, vous allez voir que cette personne-là, dans son développement, fait des succès et fait des erreurs. Et que dans les erreurs, ben, il va y avoir des coûts qui vont être occasionnés. Vous pouvez pas faire des succès et avoir seulement que les avantages. Vous avez aussi, quand on scie une planche, on a du brin de scie. Vous avez aussi, dans une expérience de vie avec quelqu'un, des erreurs qui sont faites. Il y a des erreurs de parole, il y a des choses qui sont dites qu'on ne voulait pas dire un jour ou l'autre. Il y a des choses qu'on a faites que l'autre nous reproche quasiment pendant 10 ans, alors qu'il était tout à fait en droit d'explorer ou d'expérimenter son état ou son climat psychologique. Et on se rend compte que vous êtes marié, vous êtes en couple avec une personne qui n'a pas encore atteint sa totale maturité. Pas plus que vous d'ailleurs. Et n'ayant pas chacun la totale maturité, vous allez l'avoir peut-être très tard dans la vie, puis peut-être jamais aussi. Vous demandez des choses à quelqu'un qui sous-entend qu'il est mature. Mais la maturité, ça se prend où, vous savez? Dans les chocs de vie, ça se prend dans la souffrance, ça se prend dans une compréhension après l'expérience vécue, pas avant l'expérience vécue. C'est pas parce qu'on lit un livre qu'on a de la maturité. C'est pas parce qu'on entend parler quelqu'un dans une conférence qu'on a de la maturité. Il y a des gens qui sont totalement dans l'illusion de ce que l'autre est capable de réaliser. Au même titre qu'eux-mêmes, ils pensent qu'eux autres aussi sont capables de se réaliser. J'ai eu une grande prise de conscience dans ma vie. J'ai regardé beaucoup de conférenciers parler et je me suis rendu compte que ce que les personnes disaient, c'était pas toujours ce qu'ils vivaient, mais c'est ce qu'ils avaient l'intention de vivre ou c'était ce qu'ils avaient l'intention d'ajuster dans ce qu'ils vivaient. Ils le parlaient pour le devenir et non pas parler parce qu'ils l'étaient. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans un couple qu'on essaie de se partager à travers la communication qui relèvent du domaine du rêve, qui relèvent du domaine de l'illusion. On le parle pour le devenir. On parle le couple qu'on veut avoir. On parle pas le couple qu'on a. Et c'est très important de comprendre que les attentes qu'on a, c'est du rêve qu'on projette dans le futur. Et si l'autre n'adhère pas, c'est parce qu'il vit dans un temps plus court, plus présent, dans lequel il a besoin de substances très concrète et qu'il n'est pas capable de partager cette projection dans le futur. Vous dites, bon, ben moi, je veux changer, puis l'autre veut pas changer. C'est pas vrai, ça. L'autre veut changer, mais il veut pas changer dans la projection que vous avez. Il veut vivre dans son temps, dans son rythme, dans sa cadence à lui ou à elle. Le changement se fait selon les événements aussi. Vous pouvez pas provoquer des événements. Il y a des situations qui demande des changements dans l'événement et non pas dans la conversation. Une conversation, c'est théorique. Un événement, c'est concret. Vous allez me dire, oui, mais dans l'événement, il y a des coûts, ça coûte cher, ça fait mal, c'est souffrant. Oui, mais c'est là qu'on comprend. Parce que ça marque, ça s'imprègne dans les racines de l'être, ça s'imprègne dans sa cellule. Il le sent, ce qu'il vit et ce qu'il dit. C'est extraordinaire, quelqu'un, que quand tu parles, on sent que c'est à côté. On sent que c'est appuyé par la forme, c'est appuyé par l'expérience, c'est appuyé par un vécu, une photographie ou n'importe quoi. On sent que l'individu dit « ouais, j'ai compris ça, puis c'est compris ». Pour lui, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Il sent, c'est suffisant. Vous avez besoin d'une explication parce que vous n'avez pas nécessairement compris l'expérience de la même façon. Puis n'oubliez jamais, hein, le spectacle dans le spectateur. Deux personnes dans une intimité peuvent vivre la même expérience puis l'interpréter d'une façon totalement différente parce que leur enfance n'est pas commune. Leur perception émotionnelle n'est pas commune. Leur perception de l'engagement dans le futur ou dans le temps n'est pas commune. C'est pas pour rien qu'il y a des divorces. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des divergences d'opinion, il y a des divergences d'idées, il y a des divergences de rythme. C'est très, très, très important de comprendre que les attentes que les gens ont entre eux, ça engendre des gros, gros problèmes de rythme et que ces problèmes de rythme-là, vous ne pouvez pas les régler avec des idées. C'est des situations qui se règlent avec des événements. L'évolution de votre intimité, c'est une évolution qui est très subtile. Vous allez me dire, la sexualité, c'est concret, mais il y a d'autres choses que de la sexualité. Une libido, ça peut être coupé, là. Rôle pompon à un moment donné, et c'est juste l'état mental qui fait le changement. C'est la tête qui dicte comment le corps doit bouger. Bon, fait que s'il y a une subtilité dans le mental, un ton de voix ou une façon agressante de dire certains mots, puis que vous voyez l'autre qui, la libido lui coupe, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau de la vibration qui vient de passer puis qui est mal enregistré dans l'esprit de l'autre. Vous allez me dire, ça demande un dialogue. Ça demande un dialogue, mais il faut comprendre comment la pensée est manipulée aussi. Il faut comprendre qu'une personne qui réfléchit beaucoup, c'est une personne qui est à problème. Les gens qui ont beaucoup de réflexion dans le mental, les gens qui sont beaucoup, beaucoup dans le « je », c'est toujours « je », puis « moi », c'est des personnes à problème. Des personnes à problème parce que la vie est faite en fonction d'une idéologie qui convient pas nécessairement à la réalité de tout le monde. Et c'est dans un temps aussi où sa contenance définit le rythme de tout le monde. Une personne qui a pas de contenance, elle a tendance à rechercher des résultats concrets à très, très, très court terme. Et que quand elle ne les a pas, elle cherche des gens qui vont se mettre à son service pour l'envelopper, pour supporter le vide que ça crée. Un des grands, grands problèmes dans le couple, c'est justement le vide. Les gens supportent mal le vide parce que le vide, ça implique de supporter le temps, contenir une décision, contenir une promesse qu'on a faite à l'autre, contenir un engagement. Et ça, contenir, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir parce qu'on veut l'avoir. C'est quelque chose qu'on a, on en dispose d'une certaine quantité, puis quand on l'a épuisé, on l'a plus. Il faut aller le refaire, il faut aller se refaire des forces, il faut aller se recréer des nouvelles énergies. Donc, il faut bien comprendre que le phénomène de l'attente qu'on a face à l'évolution ou à la rythmique de l'autre, ou les attentes même qu'on a vis-à-vis soi-même, ça peut devenir extrêmement irritant si on les réfléchit trop. Et vous allez me dire, c'est quoi la solution? La solution, c'est de toujours penser en termes de patience. Toujours penser en termes de commencer petit puis d'aller progressivement dans le temps réaliser quelque chose. Il y a des choses qu'il faut effectivement créer des grosses impressions, c'est vrai. Une rencontre en général, c'est valable. Mais dans l'intimité, c'est le petit pas fait tous les jours. C'est le petit mot doux, la petite fleur qu'on apporte à l'autre. C'est fermer sa boîte quand l'autre est en crise. Puis de parler quand il la demande. C'est de regarder le rythme de l'événement et d'être patient, de pas penser qu'on va échapper tout ou qu'on va tout casser si on fait ou on dit quelque chose. L'évolution d'un être humain, c'est très long. La maturité, ce n'est pas acquis. Très peu de gens peuvent atteindre la maturité avant 50 ans. Pourquoi demander avant 50 ans? Pourquoi demander à quelqu'un de 20 ans d'être à 50 ans? C'est impossible. Il y a des expériences à vivre. Il va falloir qu'il y vive. Il va falloir qu'il y vive à fond. Il va falloir qu'il se casse le nez là-dedans. Puis il va falloir que vous soyez capable de l'aider sans lui reprocher de s'être cassé le nez. Malgré le moment où vous lui avez dit tu vas te casser le nez, pas faire de reproches. Les gens ont une maladie, c'est de faire des reproches. Je te l'avais dit de pas faire ça. Ouais, puis après, il l'a fait, puis il avait besoin de le faire parce que là aujourd'hui, tu comprends, fait que c'est pas le temps de te taper sur le nez, là c'est le temps de dire puis tu comprends la même chose que moi. Là, c'est le temps de dire ça plutôt que de faire des reproches, plutôt que de montrer par votre supériorité, votre vanité extraordinaire que vous aviez raison. J'espère être assez sarcastique pour écœurer ceux qui ont de l'ego, parce que c'est ça qui empêche vos vies d'être en couple de façon équilibrée. Important dans le partage. On aime ça être unique dans la vie. On aime ça être quelque chose de particulier. on est souvent dans une société qui banalise notre personne, qui lui donne un numéro, qui rend notre vie pratiquement anonyme. Et ce qu'on cherche d'une personne dans l'intimité, c'est on veut être son roi, on veut être sa reine. On veut être quelque chose qu'il ne trouve pas ailleurs. On veut avoir de l'exclusivité. Et on veut surtout pas avoir les ex dans notre intimité. Fait que c'est évident que lorsqu'on cherche une dynamique intelligente, on cherche principalement à être en contact avec un individu qui ne banalise pas nos affirmations, qui ne banalise pas notre présence, qui fait des efforts incroyables à nous permettre de développer nos structures que l'on considère importantes. Ça ne veut pas dire que c'est l'un pour l'autre, mais au moins qu'il ne nuise pas s'il n'est pas capable d'aider. Et ça, c'est très important. On veut des relations harmonieuses. Les gens pensent qu'il faut s'investir, que ça coûte 1 million. L'harmonie, vous savez, souvent, c'est laisser faire l'autre ou l'aider à être ce qu'il est. C'est simplement, des fois, l'écouter dans ce qu'il veut être, dans ce qu'il veut devenir. Lui faire sentir qu'il est important ou importante. C'est beaucoup, ça, vous savez. Ça, c'est un des éléments de partage dans une intimité qui vaut de l'or et qui coûte rien. Même les pauvres peuvent se le permettre. Vous n'avez pas besoin de penser à aller voir des spectacles les fins de semaine. Vous devez simplement être là, prendre une marche en quelque part et dire, ben écoute, avec toi, là, ce que je vis, là, c'est unique. C'est un moment unique. Vous n'avez pas d'idée à quel point ça fait plaisir. La personne, souvent, elle ne répond pas à ça, mais ça rentre, ça se place. C'est sûr que si la personne est très vaniteuse et puis que là, vous lui dites des phrases comme ça, « T'es une personne extraordinaire », ce qu'elle risque de vous dire quand elle est extrêmement vaniteuse, c'est « Oui, merci, t'as du goût ». Et puis, elle donne pas trop d'importance à vos affirmations parce qu'elle vit ça comme une manipulation, elle vit ça comme une recherche de contrôle de la part de votre personne ou un excès de romantisme pour essayer de la noyer dans une mer de sentiments. Disons que c'est pas le cas, là. Vous manipulez pas. Que la femme ne vous manipule pas, que l'homme ne vous manipule pas. Vous êtes dans une relation où réellement l'autre a besoin de sentir que c'est unique. C'est sincère, en d'autres termes. C'est pas une game. C'est extraordinaire. Parce que vous savez, la séduction, c'est beaucoup ça. Hein? Le phénomène de la séduction, quand on séduit l'autre, c'est de l'emmener un petit peu à lui faire sentir qu'il est vraiment très spécial pour vous, qu'il est exclusif. Donc, c'est important dans des conversations de pas trop mêler le passé, de pas trop faire sentir que le passé a plus d'importance que le moment présent. J'ai vu tellement de monde saboter leur relation parce qu'ils noyaient leurs échanges, noyaient le présent avec la famille, la parenté, le passé, les enfants qu'ils ont eu avec un autre puis qui ont une importance plus grande que le couple en soi. N'oubliez jamais qu'un enfant doit jamais être au-dessus de votre relation à deux. Les enfants dépendent de l'harmonie de votre relation. C'est pas le moteur de votre relation. Ils sont là pour se gaver des conséquences positives de votre échange. Puis que si ça va pas bien, ils vont se gaver des expériences négatives de votre échange. Donc, ils vont être perturbés, traumatisés puis déséquilibrés. C'est tellement important de comprendre que les enfants, je dis pas qu'ils passent en dernier lieu, mais faut pas que ça soit au-dessus de la relation de couple, de l'échange. À moins, évidemment, que vous ayez un partenaire simplement pour payer la moitié du loyer avec vous. Mais là, c'est un coloc, là. C'est pas un couple, ce que vous avez. Donc, dans l'évolution d'une intimité, le phénomène d'être unique, d'être un élément important dans la structure de vie de l'autre, c'est un élément essentiel. C'est un élément à échanger en tout temps. Il n'y a pas de, comment je dirais ça, il n'y a pas d'exagération à toujours vouloir s'occuper du développement, de la liberté, de la croissance de l'autre dans votre vie. Ça sera toujours apprécié dans le temps. Des fois, c'est pas évident dans le court terme, mais ça sera toujours apprécié dans le temps que vous soyez présent. Parce que moi, j'ai été l'ami de beaucoup de gens, puis d'être présent, ça a développé des liens de confiance, des alliances au niveau de l'esprit extraordinaire. J'imagine qu'en couple, on le demande et on l'exige. Des amis, ben, ça vient, ça va, mais dans une intimité, pour que ça dure, il faut que ça soit là. Il faut qu'il y ait cette sensation d'être privilégié pour l'autre, qu'on soit protégé dans ce privilège-là. Bon, mais si ça, c'est pas protégé dans votre intimité, il y a des points de divorce qui s'annoncent. Vous voulez partager quelque chose d'intense? Partager ce privilège-là. Privilégier l'autre dans vos décisions. Donnez-lui une grosse part du gâteau dans les résultats positifs. Si vous avez un succès, dites-le avec l'autre que vous avez fait un succès. Je vois des artistes qui gagnent des Oscars. Ils ont toujours une liste de personnes qui les ont supportées, puis ils vont énoncer la liste de gens. T'sais, ils vont dire merci à ci, merci à ça. Puis c'est toutes des personnes qui ont été là que s'ils n'avaient pas été là, ces gens-là n'auraient pas pu se rendre au terme de leur résultat, de leur rendement. Donc, on voit bien que les grandes choses se font en équipe, que les grands développements se font en équilibre avec un élément harmonieux de la communication. Donc, le couple, c'est une équipe. C'est deux individus qui visent à un développement individuel, personnel, mais qui visent aussi à donner à cette synergie du couple une force et une entité quasiment indépendante de chaque individu qui peut être représenté. Des fois, on peut dire « Ah, c'est le couple X qui a réalisé telle chose. » Parce que les deux ont été un élément vital dans l'évolution de la situation. Et le commerce a pu fonctionner parce que la femme, à un moment donné, a supporté son mari ou le mari a supporté sa femme pour telle ou telle chose. Et ça, ben, ça devient que c'est reconnu. En tout cas, dans les intimes, les gens vont dire « Ah, ben, il y a eu une bonne femme, il y a eu un bon homme. Ce gars-là, il a vraiment supporté sa femme. Elle a été malade, puis il a toujours été présent. Il l'a pas lâché. Il a donné sa vie, mais il a donné beaucoup de son temps aussi. Il a été extrêmement reconnaissant. » Ça, ça fait des grands êtres, des grandes femmes, des grands hommes. Ça fait des êtres qu'on n'oublie pas parce qu'ils ont été capables de donner une présence, de donner une intensité qui, à un moment donné, était essentielle pour l'autre. Chose dans la vie. Ce qu'on peut apporter à l'autre, c'est ce qu'on est profondément dans nos racines. On ne peut pas devenir autre chose que ce que l'on est. Je me dis, ouais, mais c'est évident. Pas besoin de le dire, je le savais. Mais si vous saviez à quel point par amour du monde peuvent vouloir ou essayer de changer ce qu'ils sont fondamentalement, c'est assez aberrant. Je m'applique souvent à dire aux gens que les autres dans notre vie, c'est des événements. Que un couple, la femme ou l'homme, arrive dans votre vie pour vous signifier un aspect de votre psychologie, un aspect de votre personnalité qui est à mettre en développement. Mais ce qui est à mettre en développement, c'est ce que vous avez naturellement. C'est pas un élément étranger à votre nature qu'il faut qu'il soit développé. C'est un élément qui est naturel à vous. Donc, c'est quoi une bonne relation? Une relation qui est capable de partager parfaitement avec vous. C'est une personne naturelle avec vous qui, au naturel, est capable de vous développer spontanément, naturellement et sans forcer. C'est pour ça que c'est important de connaître l'autre. Parce qu'il ne pourra jamais vous donner ce qu'il ne peut pas vous donner. Pas parce qu'il veut pas vous le donner, c'est parce qu'il peut pas vous le donner. Et que vous vous acharniez pendant 20 ans à extirper de l'eau d'une roche, vous réussirez jamais à avoir que de la rosée qui va venir d'ailleurs sur sa roche. C'est une personnalité, une personne, un être entier qui va vivre une prise de conscience de lui-même ou d'elle-même tout au long de sa vie, avec ou sans vous, Vous êtes là, ça se passe. Vous n'êtes pas là, ça va se passer avec d'autres. Parce qu'un karma, c'est pas dédié à une personne vis-à-vis d'une autre personne. Un karma, si ça ne peut pas se vivre avec une personne, ça va se vivre avec d'autres personnes. Donc, la possibilité d'être unique pour l'autre est fondée sur cette grande patience que les gens sont capables d'avoir l'un par rapport à l'autre pour justement découvrir ce qui est naturel dans leur être et qui peut développer une croissance à long terme qui est fonction de leur réalité. Vous trouvez que votre mari ou votre femme n'est pas ci ou n'est pas ça? Essayez de voir la vie avec le manque plutôt que d'essayer de voir la vie à lui imposer quelque chose qu'il ne pourra jamais réaliser. Il va faire un effort, mais essayez de voir un joueur de hockey dans des tutus de danseur de ballet, ça va trancher un petit peu parce que la musculature n'est pas tout à fait pareille. C'est sûr que dans les deux cas, notre joueur de hockey a des compétences, a des talents, puis notre danseur de ballet en a d'autres. Mais c'est deux mondes complètement différents. Fait que quand vous avez un homme ou quand vous avez une femme qui est d'une certaine nature, composez avec. Aimez-la ou si vous ne l'aimez pas, signifiez-le, puis ne jouez pas avec son âme, ne jouez pas avec sa patience, ne jouez pas avec le temps de sa vie à essayer de lui faire faire ou de devenir un élément ou une personnalité qu'elle n'est pas. C'est sûr que vous allez dire, ouais, mais si c'est son karma, c'est à elle à décider. Moi, je joue avec ce que je peux jouer. Bon, dans un sens, vous avez raison. C'est à elle à décider ou c'est à lui à décider. Mais il en demeure pas moins que quand vous faites un constat d'incapacité et que vous ne travaillez pas avec ce qui est réel en termes de potentiel, en termes de ce qui est naturel, ben, vous perdez beaucoup d'énergie à travailler sur du vent, à travailler sur un aspect de la personne de l'autre qui pourra jamais se développer plus loin que X capacité. Un roseau, c'est pas un chêne. Même si c'est deux semences qui ont à peu près la même grosseur à l'origine, leur destinée est différente. Et vous pouvez mettre plusieurs semences différentes sur la même terre et vous aurez toujours ce que la semence peut donner, même si la même terre est arrosée de la même façon pendant 5 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas à changer l'autre. On a à accompagner l'autre. Vous voulez partager quelque chose d'intelligent avec un être? Accompagnez-les. Accompagnez-les dans toutes ses expériences. C'est ça qui fait que l'être se développe. C'est l'accompagnement. C'est vrai pour vos enfants. C'est vrai pour vos amis. Mais c'est drôlement beaucoup plus vrai pour le couple. Parce que c'est là que c'est très sensible à l'effondrement. La psychologie d'un être peut s'effondrer quand elle n'est pas supportée. C'est parce qu'il y a des temps où on a ce qu'on appelle des passages à vide. C'est là qu'on a besoin de quelqu'un qui nous prend la main et qui nous dit « Viens, on va traverser la rue ensemble. » Parce que là, il y a beaucoup de trafic et c'est dangereux. C'est sûr que le sentiment qu'on a d'attachement pour une personne qui nous a aidé beaucoup dans la vie, ça nous donne l'impression qu'on vit de la dépendance. Je vais vous dire une chose. Un être qui partage avec vous pendant un temps X de sa vie pour vous donner pleinement ce qu'il est et vous aider à être pleinement ce que vous êtes, c'est sûr qu'on s'attache à ça. Mais quand l'étape est finie, parce qu'il y a un jour que c'est fini, ben faut être assez intelligent pour prendre distance et trouver quelle autre étape qu'on a traversée. On ne perdra pas l'autre pour autant, on va juste changer la nature de l'échange et on va aller chercher les ressources qu'il faut ailleurs pour continuer là où on est rendu. Parce qu'oubliez pas, peu importe le nombre de divorces que vous pouvez vous caler dans une vie, vous allez toujours continuer dans le suivant, le couple suivant, où vous êtes rendu. Vous n'irez pas plus vite, puis vous n'aurez pas changé plus que ce que vous avez à changer. C'est pour ça qu'on voit des gens des fois se séparer, puis comme se rembarquer dans des expériences qui sont similaires. C'est parce qu'ils n'ont pas compris dans le premier, puis ils ont besoin de comprendre dans le deuxième. La forme va changer. Mais la nature même de l'événement qu'ils ont eux autres à intégrer est la même. Et c'est pour ça que les expériences de vie, par hasard, curieusement, se répètent et obligent ces individus-là à revoir leur psychologie, leur personnalité dans la façon qu'ils intègrent ou qu'ils traitent avec le conflit, le drame ou la situation qu'ils ont essayé d'éviter dans le premier couple ou dans le deuxième couple, peu importe. Ce que vous avez retenu, c'est que un échange, dans la mesure que vous développez ce qui est naturel entre vous, vous n'aurez aucun problème. Probablement que votre relation peut durer très longtemps parce qu'il n'y a rien qui force quand on demande à l'autre ce qu'il est vraiment. Mais quand on commence à forcer le temps d'un développement puis qu'on demande à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas nous donner, ça présente une atmosphère de rupture, ça présente une atmosphère d'absence psychologique et mentale. Et ça donne la sensation qu'on n'est pas compris, qu'on est isolé dans notre petit monde, que l'être finalement est là avec nous, qui nous dit qu'il nous aime, mais qu'en réalité, ce qu'il aime, c'est l'impression qu'il a d'avoir raison d'être là ou pas là avec vous. Et c'est là que ça devient agaçant, parce qu'on a l'impression à ce moment-là qu'on n'a pas une vie de couple, on a une vie liée à une personne par obligation. Obligation par les enfants, l'obligation par l'argent, l'obligation par l'image ou le prestige social, parce qu'on ne veut pas déraciner nos relations amicales, et on conserve un échange strictement pour la forme. Faites bien attention à ça. Le plaisir d'être à deux, vous savez, c'est que ça peut être sain, et que c'est harmonieux, et que c'est surtout naturel.